De la psychologie de saint Augustin. Conclusion. Première partie. Après avoir suivi saint Augustin dans l'étude de tous les phénomènes qu'il a décrits et dans l'examen de toutes les questions qu'il a traitées, il ne nous reste plus qu'à rappeler en quelques pages les principaux résultats, soit historiques, soit dogmatiques, auxquels nous avons abouti. Pour le lecteur qui attache plus d'importance à l'histoire des idées qu'à celle des faits, et qui tient plus à savoir ce qu'un grand esprit a pu penser que ce qu'un homme grossier, à la tête de quelques hommes encore plus grossiers, a pu accomplir, il y a dans l'exposé qui précède des observations et des vues vraiment dignes de considération, et dont il n'est pas sans intérêt de connaître l'origine, l'influence et la valeur. Augustin avait étudié avec ardeur Platon et les philosophes d'Alexandrie. Ils firent même sur lui, c'est un point qui a été parfaitement établi de nos jours, une impression si profonde qu'ils contribuèrent puissamment à le ramener au christianisme, à cause de l'analogie qu'il trouva entre leur doctrine et les doctrines chrétiennes. Plus tard, il rejeta quelques-unes de leurs opinions qui étaient manifestement contraires à la religion, mais quant à celles, en beaucoup plus grand nombre, qui lui étaient favorables ou qui étaient indifférentes, il les conserva toujours, et saisit toutes les occasions de les développer comme des vérités incontestables. Ainsi, pour nous en tenir à la psychologie, il combattit et dut combattre la théorie de la préexistence de l'âme, ainsi que celle de la réminiscence qui lui sert de fondement, car elle rendait inutile le péché originel sur lequel repose le christianisme tout entier. Il repoussa également la doctrine de la métempsychose, qui se lie étroitement aux précédentes, et qui ne pouvait s'accorder ni avec le dogme de la résurrection des corps, ni avec celui des récompenses et des peines éternelles. Quant à l'amour, que Platon érigeait en vertu et dont il faisait le principe le plus efficace de notre perfectionnement, Augustin le regarde comme un vice, et crut y voir la source de toutes nos misères. Sur la plupart des autres points, le saint évêque se montre platonicien, et semble prendre à tâche d'enrichir l'Église des dépouilles de l'Académie. Ce qui fait la grandeur d'un psychologue et son mérite éminent, c'est d'avoir une conception totale de la vie. Cette conception fut-elle fausse, parce qu'il importe, au point de vue de la science comme à celui de l'art, que les observations particulières s'accordent entre elles et se groupent comme autour d'un certain centre commun, de manière qu'on les saisisse à la fois en elles-mêmes et dans leurs rapports. Augustin possède une conception de ce genre, mais il la doit, du moins en partie, à Platon. Se plaçant à égale distance des déistes, qui séparent l'homme de Dieu, et des panthéistes, qui l'absorbent en lui, le philosophe et le père maintiennent l'un et l'autre la personnalité humaine en face de la personnalité divine, sans briser toutefois le lien qui les unit. Venus de Dieu, suivant eux, sans être sortis de lui, semblables à Dieu sans être identiques avec lui, l'âme ne déchoit qu'en s'éloignant de lui par les sens et par la concupiscence, et ne se relève qu'en se portant vers lui par la raison et par la charité. Alors même que, délivrée des misères de sa condition présente, elle est revenue à cet être qui est à la fois son principe et sa fin, elle s'unit plus intimement à lui sans se confondre avec lui, et conserve jusque dans le sein de l'unité absolue son caractère individuel. Ce n'est pas seulement dans l'ensemble, mais encore dans les détails du système, que s'accuse la filiation de la psychologie augustinienne à l'égard de la psychologie platonicienne. Comment Augustin conçoit-il l'âme humaine? Comme une substance à la fois divisible et indivisible, présente tout entière à tout le corps et à chacune de ses parties, non d'une présence de lieu, mais d'une présence d'action. Comment prouve-t-il qu'elle est distincte des organes? Par la nécessité d'un principe unique et central auquel les diverses perceptions aboutissent, par l'impossibilité de faire résider les idées sensibles et encore plus les idées morales dans un sujet matériel, par le pouvoir que l'âme possède de s'abstraire du corps, de le soustraire aux impressions qu'il éprouve, de le maîtriser et au besoin de l'immoler à une croyance. Or ces idées, ces preuves sont précisément celles que Plotin a développées dans ses Énéades. C'est également Plotin, si ce n'est pas Platon lui-même, qui fournit à Augustin ses principaux arguments en faveur de l'immortalité de l'âme, et en particulier celui qui se fonde sur l'union de l'âme avec les vérités éternelles, et celui qui s'appuie sur l'identité de l'âme et de la vie. Sur cette question, nous l'avons dit, Augustin est dépourvu de toute originalité. Ses vues sur les facultés de l'âme sont aussi empruntées, en grande partie, au philosophe alexandrin. Plotin avait dit, avant lui, que l'âme n'est pas passive, mais active, dans la sensation, que le corps seul pâtit et que tout le rôle de l'âme consiste à s'en apercevoir. Il avait distingué, avant lui, la mémoire spirituelle de la mémoire sensible. Il avait prétendu, avant lui, que l'âme sait sans y penser et possède des idées à l'état latent. Il avait supposé, avant lui, que la mémoire sensible pourrait bien s'évanouir dans les essences supérieures, c'est-à-dire, comme s'exprime Augustin, dans les élus et dans les créatures angéliques. C'est encore Platon et Plotin qui ont enseigné à Augustin cette grande théorie des idées à laquelle il attache ainsi au prix, et dont il fait le centre de toute sa philosophie. C'est dans leurs écrits qu'il a lu la ravissante description de l'amour pur et la mystique identification du bien absolu avec l'être suprême. C'est dans les Énéades qu'il a puisé l'importante division de la vie de l'âme en vie de l'âme dans le corps, vie de l'âme dans l'âme, vie de l'âme dans Dieu, ainsi que la curieuse théorie de la conversion qui en est la conséquence. En présence de ressemblances aussi nombreuses et aussi frappantes, l'historien qui cherche à classer les hommes et les systèmes d'après leurs caractères essentiels, est bien obligé de ranger saint Augustin, considéré comme psychologue, dans la catégorie des platoniciens, ou plus exactement des plotiniens, tout en reconnaissant que son plotinianisme est modifié sur quelques points par son christianisme. Ce n'est pas qu'Augustin soit dépourvu d'originalité, et n'ait pas d'idée qui lui soit propre. Sa polémique sur l'origine de l'âme révèle un esprit plein de fécondité et de ressources, les preuves qui établissent son unité paraissent plus décisives et plus concluantes sous sa plume que sous celle de Porphyre. La manière dont il maintient l'individualité de cette substance distingue avantageusement ses doctrines de celles de Plotin, qui ne sait pas envisager sans vertige l'abîme du panthéisme, et qui finit par s'y engloutir. Ce n'est pas non plus pour lui un petit mérite d'avoir aperçu peut-être le premier le rôle créateur de l'imagination, et d'avoir décrit son action sur le rêve, l'hallucination, l'extase et les autres phénomènes anormaux. Quelle finesse et quelle nouveauté tout ensemble dans son analyse de l'association des idées, dans sa théorie des lois de la mémoire, et dans ses observations sur la dégradation insensible de nos souvenirs. Avec quelle vérité et quelle vivacité tout ensemble il dépeint nos sentiments les plus cachés et les plus intimes. Avec quelle justesse enfin et quelle solidité il appuie la connaissance humaine tout entière sur un seul fait de conscience en proclamant son fameux « Si je me trompe, je suis ». Ajoutons que les doctrines que Plotin avait revêtues d'un style abstrait, obscur, barbare, hérissé de formules et rebutant pour le lecteur, se déroulent pleines de netteté, de vie et de charme sous la plume souple et brillante de saint Augustin. On n'aurait qu'une idée inexacte de la manière dont il transforme et fait valoir le philosophe d'Alexandrie, si on le comparait à Malebranche ornant de tout l'éclat d'une imagination animée et piquante les spéculations sévères de Descartes, car, après tout, Descartes était méthodique et clair. Pour en avoir une idée juste, il faut redescendre jusqu'à notre époque, et se représenter le plus illustre promoteur de la philosophie contemporaine transformant les théories abstruses de Maine de Biran ou de Hegel, et jetant sur elles toutes les grâces et tous les enchantements d'un magnifique langage. En s'appropriant les idées de la philosophie grecque et surtout de la philosophie platonicienne condensée dans les Énéades, en y ajoutant les vues que lui fournissait un génie facile et heureux, et en relevant un fond si abondant et si riche par tous les prestiges de l'élocution, saint Augustin a dû exercer une grande influence sur les penseurs qui lui ont succédé. Directement ou indirectement, Descartes lui emprunte cette méthode d'observation intérieure que personne n'avait ni mieux pratiquée ni aussi bien décrite que lui, il fait sortir de son Cyphalore, somme, le cogito, ergo sum, qui contient en germe le cartésianisme tout entier, et prouve, à son exemple, la spiritualité de l'âme par l'idée de l'âme elle-même conçue comme une chose qui pense. Malebranche s'appuie sur son autorité pour établir sa grande distinction de l'union de l'âme avec le corps et de son union avec Dieu, il lui prend, ce qui en est la conséquence, la division de l'entendement en sens et entendement pur, et de la volonté en passion et inclination, de ces principes bien ou mal interprétés, que le corps ne peut pas agir sur l'âme et que l'âme est en rapport direct avec les intelligibles, il tire sa double hypothèse des causes occasionnelles et de la vision en Dieu, et crée tout un cartésianisme mystique et idéaliste qu'on ne peut mieux caractériser qu'en l'appelant cartésianisme augustinien. C'est à lui qu'Arnaud doit, indépendamment d'une foule d'aperçus de détails, toute sa doctrine du libre arbitre, c'est d'après lui que Bossuet prouve la spiritualité et l'immortalité de l'âme, que Fénelon décrit les merveilles de la mémoire, que Leibniz imagine l'hypothèse des notions insensibles, que tous ils proclament, sous des formes diverses, la théorie de la raison et des idées innées. C'est à son école que les solitaires de Port-Royal contractent ces habitudes d'observation sagaces et pénétrantes, qui font si fort goûter leurs ouvrages au XVIIe siècle et qui leur donnent encore aujourd'hui tant de prix. C'est là peut-être que le plus illustre d'entre eux, Pascal, puise, avec l'énergique sentiment de la grandeur et des misères de l'homme, ainsi que des ténèbres de sa destinée, ces traits de lumière qui en éclairent si vivement les sombres profondeurs. D'ailleurs, à les prendre en eux-mêmes et dans leur ensemble, les travaux psychologiques d'Augustin sont de la plus haute valeur, et j'en vois bien peu qu'on puisse leur comparer. Ainsi, si je rapprochais sa psychologie de celle de Descartes, ce ne serait peut-être pas à cette dernière que je donnerais la préférence. Elle est sans doute plus neuve et plus hardie que celle de saint Augustin, mais est-elle aussi complète et aussi vraie? Descartes a analysé les passions humaines, avec un rare talent d'observation, Dans un ouvrage spécial où il mêle la physiologie à la psychologie, pour éclairer toutes les faces de cet intéressant sujet. Il a traité, avec une remarquable vigueur de génie, de la spiritualité du principe pensant dans ses méditations et dans ses réponses aux objections qu'elles provoquèrent. Cependant, je ne sais pas si la peinture, prise sur le vif, des divers sentiments de l'homme, tels qu'on la trouve dans saint Augustin, avec les détails familiers qui la diversifient, et parfois le souffle platonicien qui l'anime et fait éclater aux yeux les plus nobles côtés de notre nature, ne soutient pas le parallèle avec le tableau exact, mais un peu vulgaire tracé par Descartes, et les hypothèses d'une physiologie surannée qui lui servent de cadre. Quant à la spiritualité de l'âme, les preuves nombreuses que saint Augustin apporte successivement à l'appui de cette vérité avec autant de clarté que de force, produisent dans l'esprit, on en conviendra, une conviction au moins aussi ferme que l'argument unique par lequel Descartes prétend l'établir. Voilà pour les passions et pour la spiritualité de l'âme, qui sont les deux points dont Descartes, considéré comme psychologue, c'est le plus occupé. Mais que dit-il de l'origine de l'âme? Rien. De son immortalité et de son état après cette vie? Rien ou presque rien. Il parle quelquefois de la mémoire, de l'imagination, du libre arbitre, mais qu'on cherche dans ses ouvrages les éléments d'une théorie sérieuse de chacune de ses facultés, on ne les trouvera pas. Sur l'entendement même il émet des vues incomplètes et contradictoires, sa théorie des idées innées manque à la fois d'étendue et de profondeur, c'est l'opinion de M. Bouillet, et pâlit à côté de la théorie de la raison de l'évêque d'Hippone. Que dire de la manière différente dont nos deux auteurs conçoivent la nature de l'âme? Pour Descartes, elle est simplement une substance, pour Augustin, elle est à la fois une substance et une force. Or c'est là une distinction si importante, si capitale, que Leibniz se vantera un jour d'avoir réformé toute la philosophie en réformant l'idée de substance. Et qu'est-ce que cette réforme de Leibniz? Un retour à l'idée de saint Augustin. Par suite de cette fausse conception de l'âme, Descartes brise l'unité de la vie anthropologique qu'Augustin avait si bien établie, et dont il avait si complaisamment marqué les gradations harmonieuses. Entre l'âme et le corps, il creuse un abîme que ses successeurs chercheront plus tard à combler par d'inacceptables hypothèses. À la même conception se rattache l'idée bizarre qu'il se fait de l'animal, niant ou expliquant mécaniquement les actes psychologiques les plus incontestables, et préparant, par son hypothèse de l'animal-machine, celle de l'homme-machine qui devait en être la conséquence. En un mot, si j'interroge Descartes, ce fondateur de la psychologie, comme on l'a si souvent appelé, sur les principales questions que la psychologie se pose, il ne répond qu'à un bien petit nombre, et parmi les réponses qu'il me fait, il en est qui sont aussi contraires au bon sens qu'à la science, tandis qu'Augustin essaie, non sans succès, de me satisfaire sur toutes, et que ses solutions, même les moins heureuses, ont encore quelque chose de plausible. Aussi la pensée suivante de Fénelon, appliquée à la psychologie de ces deux auteurs, ne me semble pas uniquement inspirée par ces préventions d'hommes d'église, je la trouve soutenable jusqu'à un certain point. Si un homme éclairé rassemblait dans les livres de saint Augustin toutes les vérités sublimes que ce père y a répandues comme par hasard, cet extrait fait avec choix, serait très supérieur aux méditations de Descartes. Quoique ces méditations soient le plus grand effort de l'esprit de ce philosophe. Confère Fénelon, Lettre sur la métaphysique 4e. Il y a quelques années, avant que le vaste mouvement d'études philosophico-historiques, si puissamment inauguré par Monsieur Cousin, eût embrassé l'Antiquité tout entière, notre génération croyait presque avoir inventé la psychologie, et consentait tout au plus à en faire remonter l'origine aux philosophes écossais et à Descartes. On voit cependant qu'un théologien du IVe siècle, sans compter les grands philosophes de la Grèce, avait porté dans cette science, regardez naguère comme si nouvelle, une pénétration et une profondeur qu'aujourd'hui même peu d'auteurs ont égalées. Que l'on considère la psychologie dite rationnelle, qui fait l'éternel objet des discussions des métaphysiciens, ou que l'on envisage la psychologie expérimentale, qui est le propre domaine des moralistes et la solide richesse que se transmettent les sages des diverses époques, Augustin a tout vu, tout examiné, tout scruté, rien d'important n'a échappé à son vaste et profond regard. Il n'y a pas jusqu'aux idées qui paraissent les plus particulières à notre temps dont il n'ait eu, sinon la claire connaissance, du moins la vague intuition. Monsieur Cousin et Monsieur Geoffroy ont beaucoup insisté sur la connexité des questions et des faits, sur la nécessité de passer par l'étude de ceux-ci pour résoudre celles-là, et de faire de la psychologie comme le vestibule de la métaphysique. Or cette nouvelle méthode, que ces deux illustres maîtres indiquaient avec confiance aux penseurs de l'avenir, saint Augustin l'avait pratiquée, sans en donner, il est vrai, la théorie. Dans quel but étudie-t-il si profondément la sensation dans son traité de la grandeur de l'âme? Pourquoi pousse-t-il si avant, dans d'autres écrits, l'analyse des idées spirituelles et des idées intellectuelles, comme il les nomme? Ce n'est pas simplement pour connaître ces phénomènes en tant que phénomènes, c'est pour résoudre, en les étudiant, la question toute métaphysique de la spiritualité de l'âme. Bien que la philosophie moderne ait déjà puisé fort largement dans les écrits du grand évêque d'Hippone, comme on l'a vu par les détails qui précèdent, il y a encore dans ces ouvrages bien des richesses précieuses et qu'il nous serait facile de nous approprier. De ce nombre sont les preuves de la spiritualité de l'âme par le sentiment, par les images corporelles et par les idées pures de l'esprit, preuve qu'il a exposée avec autant de vigueur que de grâce. Ses vues sur la nature de l'âme humaine et sur ses rapports avec l'âme de l'animal me paraissent aussi mériter une sérieuse attention, et seront chaque jour mieux appréciées à mesure que le leibnizianisme gagnera parmi nous plus de terrain sur un cartésianisme étroit. J'en dirai autant de sa théorie de la mémoire et de l'imagination presque tout entière. Il y a là un ensemble d'aperçus qui, sans être tout à fait nouveaux, sont présentés d'une manière si naturelle, si vive, si inattendue, qu'ils seraient très propres à rajeunir ces parties intéressantes de la science de l'homme. Ses idées sur l'amour en général, sur l'amour du monde et sur l'amour divin en particulier ont le même caractère. De plus, la méthode de saint Augustin, qui consiste d'ordinaire à aller du dehors au dedans, des faits extérieurs aux faits intérieurs qui les expliquent, ne pourrait, si elle était naturalisée parmi nous, que développer dans les jeunes esprits l'heureuse disposition à faire surtout et à propos de tout, de la psychologie, j'entends une psychologie libre, capricieuse, variée, qui serait pour eux le plus aimable apprentissage de la vie et qui les romprait utilement à l'exercice viril de la réflexion. Nous vivons à une époque où l'érudition tend à prendre des développements de plus en plus considérables, et nous ne songeons pas à nous en plaindre, car nous croyons qu'elle jettera plus tard sur notre nature de très vive lumière. Mais nous pensons qu'à côté d'elle, il est bon de maintenir ce que Montaigne appelait la sagesse, c'est-à-dire cet heureux équilibre de nos facultés qu'il opposait, par son exemple autant que par ses préceptes, à l'érudition intempérante de son siècle, il faut chercher à obtenir, comme le disait ce grand moraliste, des têtes bien faites plutôt que bien pleines. L'éducation de l'esprit est achevée, dès que ce résultat est atteint. Or le meilleur moyen de l'atteindre, c'est l'étude de l'homme moral, telle que saint Augustin l'a comprise. Elle développe mieux que tout autre la raison et la réflexion, parce qu'elle nous force constamment à nous replier sur nous-mêmes et à y chercher la raison des choses. C'est là la haute culture qui convient à ceux qui ne veulent pas s'enfermer, comme des manœuvres, dans l'horizon étroit d'une spécialité, qui aspire à s'élever jusqu'à la région des idées générales, et à émettre des jugements motivés sur l'ensemble des choses humaines. C'est l'étude libérale par excellence, celle des hommes libres. D'ailleurs la psychologie, à l'envisager en elle-même, vaut bien la peine qu'on s'en occupe, et qu'on exhume, pour l'enrichir, tous les trésors du passé. On dit chaque jour que l'un des plus grands mérites de Molière et de Racine, de Tacite et de Saint-Simon, est la connaissance du cœur humain. Or la connaissance du cœur humain est-elle une chose, et la psychologie une autre ? S'il y a entre elles quelques différences, elle est toute à l'avantage de cette dernière. Qui dit connaissance du cœur humain dit un certain nombre d'observations plus ou moins justes et profondes, mais qui peuvent être isolées et sans lien entre elles. Qui dit psychologie dit un ensemble d'observations qui, outre le mérite des précédentes, ont encore celui d'être fortement systématisées, de s'éclairer mutuellement, et d'éclairer tout le reste. Dans un beau travail sur le scepticisme de Kant, M. Morial remarque très bien que tout le système de ce philosophe repose non pas, comme on le croit vulgairement, sur quelques antinomies usées et sur l'argument banal, qu'il est impossible de prouver la légitimité de la raison, mais sur une certaine théorie de la connaissance. Cela revient à dire que c'est de sa psychologie que tout dépend et que sa logique tout entière y est engagée. Ainsi le sceptique le plus redoutable qui ait jamais paru a jeté sur le terrain de la psychologie le fondement de ses spéculations, et c'est à sa psychologie qu'il faut s'attaquer, si l'on veut renverser son système. Qu'a fait dernièrement un célèbre philosophe de notre époque, M. Vachereau, quand il a battu en brèche avec tant d'éclat l'empirisme, le spiritualisme et l'idéalisme, afin d'établir sur leurs ruines ce qu'il nomme la métaphysique positive? Il a fait une analyse et une critique de la sensibilité, de l'entendement et de la raison, c'est-à-dire une étude essentiellement psychologique. Il a pensé que c'était démontrer l'inanité de ces systèmes que de démontrer l'inanité des théories qu'ils contiennent sur chacune des facultés de l'âme. Depuis Descartes jusqu'à nos jours, la psychologie a constamment gagné du terrain. Le père de la philosophie moderne s'arrête à peine aux phénomènes de conscience. Ils ne sont pour lui qu'un point d'appui qu'il repousse bien vite pour s'élever à des spéculations pleines à la fois de témérité et de grandeur. L'Oxyarète davantage, et son ouvrage est la plus admirable tentative qui eût été faite jusqu'à lui pour asseoir la logique sur la base de la psychologie. Kant renchérit encore sur ces deux philosophes. Il regarde comme non avenus les travaux de ses prédécesseurs, parce qu'ils ont fait de l'ontologie, au lieu de faire de la psychologie, et ont pris pour centre de leur recherche les objets pensés, et non pas le sujet pensant. C'est donc à tort que certains écrivains ne veulent voir dans la psychologie qu'une science étroite et stérile, c'est, suivant nous, de toutes les sciences philosophiques la plus large et la plus féconde. C'est pourquoi nous croyons qu'il importe de l'organiser d'une manière définitive en recueillant les principaux résultats du passé et en préparant ceux de l'avenir. L'entreprise peut être difficile, mais ce n'est pas une raison pour y renoncer. Il serait honteux pour ceux qui s'occupent de la science de l'homme de désespérer des laits de la croire condamnée à l'immobilité, au milieu du mouvement de plus en plus accéléré qui emporte, autour d'eux, les sciences de la nature. L'homme est un être comme un autre. On doit pouvoir l'étudier comme un minéral, comme un végétal, comme un animal, et arriver sur ce sujet si important, puisqu'il est le plus élevé en dignité qu'il est nous-mêmes, à un ensemble d'idées positives. Si l'on n'y réussit pas, c'est sans doute que l'on s'y prend mal. Que faire alors? S'y prendre mieux, c'est-à-dire adopter une autre méthode ou améliorer celle que l'on a. Markendan Archivorg 2021, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.